Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et le fantasy. C'est Martin au microphone. Nous poursuivons aujourd'hui l'hommage rendu à Alain Lebussy, qui nous a quittés à la mi-octobre 2010, en vous présentant la première partie d'une nouvelle dont il est l'auteur et qui fut réalisée pour les éditions de l'Avenir. Stanley en est le narrateur et K00 incarne l'inconnu. Les éditions de l'Avenir présentent l'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir. Un texte d'Alain Lebussy, rédigé en 1971. Le jour s'est levé. C'est un fait banal, je le reconnais. Il se produit si régulièrement depuis des milliards d'années. On peut le prédire pour le lendemain avec toute certitude de ne pas être démenti par les faits. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, jusqu'à cet instant précis où les premières lueurs ont enfin fait reculer l'obscurité, découpant la cime des hauts pins, j'ai douté. Profondément, au tréfonds de mon âme, j'ai douté. Si fort qu'au moment où la lumière est enfin revenue, je ne l'ai pas vue de suite. Mes yeux, oui, mais mon cœur, non. Je croyais rêver, je ne pouvais penser que l'avenir s'ouvrait à nouveau à moi. Maintenant, j'ai retrouvé mon calme, je crois. Pour autant que je revienne jamais à l'innocence ignorante où je vivais avant. Mais je peux espérer, sans toutefois revenir à la certitude tranquille qui était la mienne, qui est toujours celle de beaucoup, avant. La peur continue à me ronger, la peur de la prochaine nuit, des suivantes, la peur de l'instant qui vient. J'ai peur de revivre cette abominable nuit, de ne pouvoir échapper à ce labyrinthe de terreur où mes pensées affolées se sont enchevêtrées. J'ai peur de cette peur qui me ronge. Car elle ne serait pas aussi vive et profonde si elle ne reposait pas sur un brin, même infime, de réalité. J'ai peur, et pas seulement de voir cette nuit abominable revenir, mais simplement d'en rêver. J'étais épuisé en rentrant chez moi, et pourtant je n'ai pu fermer l'œil. Un jour, cette peur m'aura sucé, absorbé, dissous, digéré. Que restera-t-il alors de moi? Le jour s'est levé, c'est vrai, mais l'angoisse ne m'a pas quitté. Hier, la soirée. La nuit était sans lune. Sans étoiles aussi, car le ciel était légèrement couvert, des filaments élancés que déchirait le vent, très haut, et qu'on apercevait à peine à cause d'une brume vague qui flottait sur les collines. Après les nuages sombres et lourds qui avaient défilé tout le jour, réussissant à retenir leur pluie lourde quelques heures de plus, c'était mieux, et surtout bon signe pour le lendemain. Je venais de finir de dîner et je débarrassais la table. La solitude a ses avantages, mais aussi ses servitudes. Quand ce fut terminé, je me suis mis à tourner en rond dans la maison. Je n'avais guère envie de travailler, l'inspiration n'y était pas. Et dans ces moments-là, lire ce que les autres avaient réussi à écrire me semblait pur masochisme. Je me demandais à quoi passer les deux ou trois prochaines heures. Je n'avais pas encore sommeil. Quand le carillon de la porte d'entrée m'a tiré de mes tergiversations en tintant deux ou trois fois. À cet instant, j'étais à l'étage. Durant les quelques secondes du trajet, je me suis demandé qui pouvait bien venir me voir à cette heure. La maison était isolée à l'extrême pointe d'un lotissement encore incomplètement bâti, et je ne l'occupais que temporairement. C'était un ami qui l'avait mise à ma disposition pendant qu'il allait chercher le soleil sous des cieux plus cléments. Je n'étais là que depuis une semaine et je ne m'étais lié avec aucun des ménages fort casaniers qui étaient mes plus proches voisins, à plus de 200 mètres d'ici, de toute façon. Et personne ne connaissait mon adresse momentanée, sauf ma mère, qui savait trop bien mon besoin de calme et d'isolement, pour l'indiquer à qui que ce fût. J'ai allumé la lampe du porche et ouvert la porte. L'inconnu était là. Inconnu, elle l'était en cet instant et elle l'est restée depuis. Avec tout le contenu de mystère que peut comporter ce terme. Elle est l'insaisissable, l'incompréhensible, l'incomparable. Cet élément qu'on découvre au milieu d'une série cohérente, qui ne s'accorde pas avec le reste et choque l'entendement. Ce qui me frappa en elle au premier abord était l'eau qui s'écoulait en grosses gouttes de ses longs cheveux noirs. Cela m'étonna. Je n'avais pas remarqué qu'il pleuvait ou qu'il avait plu, car faisant un pas au dehors, je pus constater qu'aucune goutte de pluie ne venait me battre le visage. Et il n'y avait ni rivière, ni étang, ni piscine à proximité où elle aurait pu tomber. Elle s'appuya au chambranle. Tout en elle, ses yeux à demi-clos, ses traits pâles, son visage émacié, traduisaient l'épuisement le plus complet. Et elle tremblait violemment. Elle a levé une main pour s'accrocher au montant de bois et retrouver un peu de stabilité. « J'ai froid !» fit-elle, et ses mots s'achevèrent en un soupir. Elle avait un léger accent. Pas vraiment étranger, mais pas tout à fait celui de la région. Elle paraissait inoffensive. Je n'avais aucune raison de me méfier, et si désemparée. Il aurait été parfaitement inhumain de lui fermer la porte au nez. Entrez, il fait bon, et je vais remettre quelques bûches sur le feu. J'ai dû la soutenir jusqu'à ce qu'elle atteigne l'un des larges fauteuils qui faisait face à l'âtre. Elle s'y est affalée, silencieuse et immobile. Elle respirait doucement, se détendait peu à peu, et les frissons qui la secouaient s'estompaient tandis que je remettais sur le feu la dernière bûche que j'avais dans la pièce. Je lui ai tendu un verre de cognac. Elle l'a humé, puis repoussé avec une grimace. Un instant plus tard, elle m'a presque arraché de la main le verre de Côte du Rhône sans prétention que je m'étais versé. J'ai laissé la bouteille à sa portée en sortant chercher quelques autres bûches rangées sous un appentis. Dehors, le sol était sec. Je ne m'étais pas trompé. Il n'avait pas plu. Pourtant, l'inconnue était complètement trempée. Elle avait même laissé derrière elle une piste humide en traversant la maison. En rentrant, je l'ai retrouvée toujours aussi immobile, le verre à la main. Seul le niveau de la bouteille m'indiquait qu'elle avait fait au moins un mouvement durant ma brève absence. Et seul le son de sa respiration un peu sifflante troublait le silence. Le temps que je m'occupe du feu, elle s'est transformée. Avec la chaleur provenant de l'âtre, un peu de vie lui revenait. D'abord par le regard. Ses yeux sautaient rapidement d'un point de la pièce à un autre, passant sur moi comme si je n'étais qu'un meuble parmi les autres. Rien ne laissait deviner les conclusions de cet examen approfondi. Mais je pouvais quand même sentir la tension monter en elle. Elle n'avait pas seulement froid, elle était inquiète, et désorientée. Elle craignait peut-être mon attitude. Une femme sans défense, un homme seul, dans une maison isolée. Je ne crois pourtant pas que j'avais l'air du grand méchant loup. Elle paraissait si fragile, sous la cape informe qui dégoulinait toujours, mais qu'elle n'avait pas voulu retirer. J'ai voulu lui suggérer de se changer, lui prêter l'une de mes chemises et un jeans. Je n'ai pas osé, me demandant comment elle prendrait la proposition. Pourtant, cette cape et l'espèce de combinaison une pièce en simili-léopard ne devaient pas être agréables à porter dans ces conditions. Je dois partir. Elle s'est levée. Je dois retourner vers la ville. Il est grand temps de... Le reste se perdit dans un soupir. Dans cet état, à cette heure, à pied, pas question. Elle était déjà sur le seuil. Elle frissonnait toujours, titubait presque. J'ai encore essayé de la raisonner. Rien n'y faisait. Elle devait être folle ou follement inquiète. Mais elle n'a pas offert de s'expliquer. C'était la première partie de... L'angoisse que je lis dans mes yeux dans le miroir. Suite, la semaine prochaine. Je vous rappelle que toutes les émissions de l'espace-temps sont disponibles sur le blog de la web radio à www.audiolibris.net. Merci de votre attention. À bientôt.